Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 59. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, on achève le mois de novembre, là. On est le 29 novembre déjà. Ça va vite, il est 4 heures et puis c'est l'heure des écrans chez nous. Et puis j'en profite pour enregistrer un nouvel épisode parce que j'ai pas eu le temps la semaine passée d'en faire un parce que j'étais trop occupé avec Retro MTL et puis la gestion du Black Friday. Aussi, il y avait beaucoup à faire au magasin, vraiment. On a passé des entrevues, engagé de nouvel employé, géré de nouveau local. Bref, tout ça est très excitant et tout ça est très time-consuming. Mais tu sais, j'avais des certaines zones de temps, mais j'étais brûlé, là, tu sais, comme. Puis le matin, je voulais le faire, puis là, bref, je recevais des emails, puis bon, j'avais comme des affaires à gérer. Je voulais gérer les trucs en premier, puis après ça, j'étais mort. Fait que désolé, je fais mon possible, mais quand même, me voici. Et puis, pas grand nouveau dans le fond. Merci à tous ceux qui ont acheté chez Retro MTL pour le Black Friday. Vraiment, ça a été spectaculaire. Et puis, ça roule non-stop. Ça se finit ce soir à minuit. Ça donne rien que je vous dise ça présentement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais 3 jours, puis il y a Cyber Monday demain. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis, c'est des journées où est-ce qu'on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vend à nous, de notre côté, on fait 20% de rabais. Donc, c'est 20% de moins de profit pour nous. Mais les jeux sont quand même profitables. Les ventes sont quand même profitables pour nous. Et c'est surtout que ça permet de libérer quand même pas mal. Là. Juste avant que je commence à enregistrer, dans le fond, j'ai vu qu'on vient de vendre notre Flintstone Surprise at Dinosaur Peak. Au NES, un jeu qui est pas mal le deuxième plus... sans compter Stadium Events, là. Après Little Samson, c'est pas mal Flintstones. Et puis, il doit être rendu dans 1000$, là, 1200$ pour une copie en très très bon état. La nôtre était pas en bon état, et puis ça faisait longtemps qu'on l'avait, genre depuis l'ouverture quasiment, ça faisait un an et quelques qu'on avait ça, et puis personne l'achetait sur eBay, puis là, il y a quelqu'un qui vient de décider de l'acheter, donc félicitations, ça va être beau dans ton futur full set, monsieur l'acheteur. Et puis voilà, donc on fait pas beaucoup d'argent sur les jeux qu'on vend, mais on récupère beaucoup de capital, et puis on va pouvoir réinvestir ça, donc c'est bien plaisant, et puis merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais continuer et terminer ma présentation de ma collection DS. J'ai un paquet de jeux là ici, on continue en ordre alphabétique dans le fond. J'ai mon petit café que j'ai pris en prenant ma marche tantôt dehors sur Masson. D'ailleurs, il y avait un comptant.com sur Masson et puis ça vient d'être racheté par Banco dans le fond, c'est devenu Banco. Et puis Banco, ils promouvoient quand même pas mal qu'ils font dans les jeux vidéo. Fait que j'étais allé voir de quoi ça avait de l'air. Crime, c'était la moitié, trois quarts, le 4/5 des jeux 64 et Super NES sont de la contrefaçon. C'est des copies là, qui vendent 50$, des bootlegs dans le fond, et puis qui commandent chez AliExpress là, à coup de sang, I guess. Mais au moins, le gars, il dit que c'est des copies, là, tu sais. Mais moi, ce qui m'écœure avec ça, c'est que ces copies-là, d'un, ça peut être dommageable pour les consoles. Fait que ça, c'est un danger pour vous. Et puis après ça, le monde qui achète ça, à un moment donné, ils s'entendent, ils revendent ça, puis ça se ramasse dans la nature, puis ça se ramasse chez nous, ça se ramasse chez le monde. C'est une petite plaie. Ça se ramasse sur le marketplace, le monde, ils savent pas, le monde se crosse entre eux autres, des fois en le sachant, des fois en le sachant pas. Bref, le plus qu'on injecte de maudites contrefaçon dans le milieu, le pire que c'est, là, tu sais. Puis ça, c'est les fucking pawn shops, ils font ça. Faut pas faire ça. Si vous faites de la vente de jeux vidéo, arrêtez de vendre des copies, puis arrêtez d'acheter des copies, là, tu sais, comme... c'est pas bon, là, pour le milieu, là. C'est pas bon du tout. Fait que bref, c'était mon petit chialage. Alors, on commence tout de suite. J'avais terminé le dernier épisode de ma collection DS avec Legend of Zelda. Et puis là, on commence avec The Legendary Starfy. Ou Starfy, je sais pas. Moi, j'aime Starfy. Je pense que c'est Starfy qu'il faut dire. Et puis, ça, c'est un petit jeu qui est quand même commun, qu'on voit passer souvent. Et puis, qui est très joli. Et puis, qui est fait par HAL. Ça se peut-tu, ça? Les mêmes gens qui sont sur Kirby, il me semble. Et puis, au Japon, cette série-là a plusieurs... Il y en a au Game Boy Advance, et puis il y a plusieurs jeux de Starfy. Puis ici, en Amérique, il y a juste celui-là. Et puis, c'est très Kirby-esque, en effet, sauf que t'es une étoile de mer. Alors, ça se passe dans l'eau, et puis, je me suis lancé dans ce jeu-là il y a une couple d'années. Je dois en avoir fait la moitié, un petit peu plus. Je me souviens que c'était très sympathique avec le stylet, la propulsion du personnage et tout. Par contre, c'était répétitif, comme Kirby, et puis je me suis un petit peu tanné, je dirais. Où j'ai peut-être pas été assez patient, là, mais c'est un beau package, la boîte et puis tout ça, c'est absolument magnifique. Regardez en arrière ici, on voit un boss qui utilise les deux écrans, donc ça c'est bien. Tu sais, c'est un très beau package, c'est super cute, super le fun. Regarde là, Starfy est déguisé en fuck, là, c'est mignon. Et puis, c'est bien le fun, et puis je recommande ça à tout le monde quand même. Si vous aimez les jeux comme Kirby, là, justement. Et puis, c'est pas cher. Laissez-moi regarder dans mon application. Ici, on parle d'environ 20$ pour une copie complète. Je pense que ça doit être un petit peu plus que ça sur Price Charting, par contre. Et puis, c'est ça. C'est un petit, je dirais pas platformer, parce que c'est plus de la nage, hein, de la propulsion dans l'eau et tout. Mais c'est cute. Ça fait très bien la job des animations. C'est très bien. Moi, je vous recommande cela. Et puis, prochain jeu, ça, c'en est un gros maintenant. C'est Little Red Riding Hood's Zombie Barbecue. C'est un jeu que j'avais acheté à mon ami Bruno Georget dans le temps. Et puis, ce jeu-là, c'est un jeu de tir sur rail vertical, dans le fond. Donc, ton personnage, le petit chaperon rouge, avec des gros seins, est dans le bas de l'écran. Et puis, toi... Tu avec le D-pad, tu la fais aller de gauche à droite, puis avec le stylet, dans le fond, tu vises les zombies. Là. Et puis, donc, ça avance tout seul, et puis vers le haut, et puis c'est des waves de zombies. Et puis, laisse-moi regarder en arrière, là, il y a... Ouais, c'est des waves de zombies, il y a des trucs à tirer dessus, des guns à pogner, des explosifs, toutes sortes d'affaires, et des boss aussi à la fin des niveaux. Donc ça, c'est un jeu qui s'est propulsé au top de la librairie DS au niveau de la valeur. Dans le temps, là, c'était 50$, quelque chose de même. Puis là, dans mon application, ici, à ce que je vois, c'est rendu 275$. Donc on frôle quasiment le 300$ là, pour ce jeu-là. C'est incroyable comment ça l'a monté. Visuellement, c'est pas si beau, là, je dirais, c'est moyen, mais c'est tolérable, et puis c'est le fun correct. Ça devient vraiment, vraiment dur à un moment donné, là. Je pense que j'étais coincé quand même proche de la fin, mais il y avait un boss là, que j'y arrivais pas. Donc j'ai quand même beaucoup joué à ce jeu-là, puis je voulais le finir, mais j'ai pas réussi encore. J'ai des amis qui ont réussi, par exemple, ça doit être faisable. J'ai abandonné peut-être un peu rapidement, mais j'avais quand même joué beaucoup, là, tu sais, je m'en venais tanné. Donc, si vous êtes des collectionneurs assidus et très intenses de DS, ça vous en prendrait une copie, je dirais. Par contre, pour le prix, là, si vous voulez juste jouer, je dirais de passer votre tour. C'est bon, là. Si c'était genre 50$, je dirais acheter ça, tu sais, c'est nice. Là. 300$, là, c'est rendu un item de collection. Mais c'est intéressant. Prochain jeu est une série que j'aime beaucoup. C'est Mario vs. Donkey Kong Mini Land Mayhem. Le premier Mario vs. Donkey Kong au Game Boy Advance était un jeu de... Ben, dans le fond, c'est un peu comme Lemmings, ce jeu-là. T'as des petits robots Mario qui avancent tout seul et puis il faut que tu les envoies à des places. Au Game Boy Advance, la mécanique, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, mais ce que j'aime de la version DS ici, c'est qu'avec ton stylet, tu traces, tu rattaches des points dans l'écran, comme vous pouvez voir ici en arrière. Il n'y a pas pire mon éclairage aujourd'hui, on voit bien. Vous rattachez des coins de plateforme pour que les petits Mario ils marchent dessus dans le fond. Et puis vous avez une quantité limitée et puis avec ça vous les envoyez un peu partout. La c'est super le fun, c'est une mécanique parfaite, j'adore ça, j'ai dévoré ça. Moi je suis pas du genre à faire t'sais, ramasser toutes les affaires dans chaque niveau nécessairement. Mais pour ce jeu-là, je l'ai fait. Et puis, sérieux, je sais pas pourquoi, moi je fixe là-dessus, cette série-là. Je trouve ça vraiment, vraiment bon. Et puis, ce jeu-là en particulier, le premier, il y en a deux au DS, le prochain, ça va être le deuxième. Moi, j'ai adoré ça. T'sais, il y a des boss fights, ben, c'est Donkey Kong, dans le fond, là, avec les mécaniques intéressantes aussi, que tu envoies des Mario à des places. Et tu ramasses des cartes, il y a des petits ressorts, bref, faut que tu les envoies du point A au point B, puis il y a des obstacles, puis c'est à toi de réussir à les envoyer là, et tout ça juste en reliant des plateformes. C'est très très cool, je suggère ça à tout le monde. Ce jeu-là vaut une vingtaine de piastres. Là, je parle, quand je drop des prix, là, mais c'est toujours complet, là. Complet en boîte. Fait que 20$ pour ça. Définitivement un excellent jeu, je l'adore. Le deuxième, Mario vs Donkey Kong 2, March of the Minis, et pas mal la même affaire, là, me semble, et puis j'y ai joué aussi, mais je m'en rappelle plus, pour être franc, là, c'est, s'il y a des grandes différences là-dedans, je pense pas. Et puis, c'est un jeu aussi dans le même prix. Fait que j'imagine qu'ils doivent avoir ajouté plus d'affaires à ramasser, plus de niveaux, un petit peu plus de tout, là. Fait que très cool série. Moi, j'aime beaucoup ça. Le prochain jeu va peut-être vous surprendre. Il s'agit de Mechanic Master. Donc, une pochette assez à chier. Je sais pas pour vous, j'ai 40 ans et puis la première, les premiers balbutiements, les premières fois qu'on a eu un ordinateur dans la maison, c'était ma grande sœur. J'ai une sœur, moi, plus vieille, 5 ans plus vieille. Donc, elle a 45 ans. Et puis, on a eu ça. On a eu un ordinateur un moment donné chez nous, Windows, là. Et puis, il y avait quelques jeux là-dedans que je jouais, Shanghai, Solitaire. Et puis, il y avait The Incredible Machine. C'est ça, The Incredible Machine? Vous savez ce que c'est, là? Il te donnait des affaires, genre, il te donnait un séchoir à cheveux, deux poulies, une strap, une boîte, un ressort, une bombe, puis avec ça, fallait que tu envoies, mettons, une boule de quille du point A au point B. Fait que tu mettais ça dans l'écran, tu sais, tu faisais comme un circuit pour faire envoyer les trucs d'une place à l'autre. Et puis, man, j'ai tellement joué à ça, là, j'aimais assez ça, là. C'est des beaux souvenirs de gaming PC, tu sais, si je peux dire. Moi, mon gaming PC, c'était ça. The Incredible Machine. Et puis ça, c'est la version DS, dans le fond, de ce jeu-là. C'est la même mécanique. Et puis je regarde en arrière, et puis c'est la même chose. Des ventilateurs, des petites bonbonnes de spray, des ballons. C'est le même jeu, sauf qu'au lieu de prendre une souris pour mettre les affaires dans l'écran, tu prends ton stylet. Et puis, ben j'ai bien aimé ça. Ça m'a fait un petit souvenir, là. Ça m'a renvoyé dans le passé. Il y a un 2 qui existe de ça que je n'ai pas essayé. Celui-là, c'est le 1, je l'ai fini. J'ai eu du plaisir, tu sais, j'ai pas comme capoté ma vie, mais c'est comme à l'origine, Incredible Machine était vraiment comme une révélation pour moi. Et puis, ça, c'était plus une révélation, c'était un peu revivre le passé. Mais c'était bien fait, c'était correct. Ça vaut rien, ce jeu-là, ça vaut 10$ complet comme ça. Mais je le garde là pour la nostalgie de la chose. Je pense pas y rejouer. Peut-être que je vais m'en débarrasser pour faire de l'espace. Mais en tout cas, j'ai ça. Prochain jeu, Metal Slug 7, mesdames et messieurs. Et c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup joué sur Metal Slug. Il y a un Metal Slug sur Game Boy Advance. Je pense qu'il s'appelle Metal Slug Advance. J'ai acheté ça au EB Games dans le temps que c'était comme ça, le use de cette génération-là. Il y avait du GBA dans l'usager. C'était à cette époque-là. Je ne me rappelle plus en quelle année. Et puis, c'est drôle. Je l'ai acheté complet en boîte au Game Boy Advance. Et puis, au EB Games. Et puis, je l'avais payé. Genre, c'était 5$, là, 10$. Une vraie farce. Je sais pas combien ça vaut aujourd'hui. Je vais regarder. Je vais regarder ça à l'instant. Sur Price Charting. Check bien ça. Metal Slug Advance. Voilà. Metal Slug Advance complet en boîte, 165$. Alors, voilà EB Games. Mais j'ai beaucoup joué la version Advance, c'est ça. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Puis je l'ai fini. Puis c'était terminé. T'sais. C'était la première fois vraiment que j'explorais la série Metal Slug. Et puis après ça, ben c'était le temps des fêtes. Et puis ma soeur se demandait quoi m'acheter comme cadeau, tout ça. J'avais reçu une carte cadeau du HMV. Et puis, je savais pas quoi acheter, là, tu sais. Fait que dans ce temps-là, il y avait, ben, premièrement, il y avait des HMV encore. J'aimais ça aller là. Je sais pas s'il y en a encore, mais il y a juste des gogos là-dedans maintenant. Il y a plus de musique, il y a juste des tasses, des t-shirts, des affaires. Peut-être un peu de musique encore, mais c'est de la merde. Puis, mais dans mon temps, il y avait des jeux DS. Et puis, j'avais tellement aimé Metal Slug Advance que j'ai acheté Metal Slug 7. Et j'ai jamais fucking joué. Je l'ai jamais ouvert, je sais pas pourquoi. Je l'ai ouvert, mais je l'ai jamais mis dans ma machine. Puis, je sais pas, ça me tente pas. Peut-être à un moment donné. Je sais qu'il y a une version... Moi, j'ai une version basic. Je pense qu'il y a une version collector avec un poster, un soundtrack, tout un kit, là. En tout cas, moi j'ai la version de base, comme ça. J'y jouerai peut-être à un moment donné. Mais Metal Slug 7 au DS. Et puis, ça vaut maintenant 70$, d'après mon application. Prochain jeu est un jeu très commun qui s'appelle Meteos. Je sais pas si c'est une... Attendez, je vais regarder en arrière. C'est une création Nintendo, ça? Je sais pas trop. C'est un genre de Tetris-like, de blocs qui s'empilent et puis qui, à un moment donné, s'envolent. Comme avec les petits réacteurs là, en dessous, comme vous voyez ici sur la pochette. Je vais juste regarder en arrière. C'est un jeu de match, de block matching. Là. Je pense qu'il y a un nom officiel pour ça. Je sais pas comment le dire. Mais ouais, tu matches les blocs, puis là, il s'élève dans l'écran et c'est merveilleux. Donc, si je me souviens bien, les blocs arrivent de par en dessous. Ça, c'est un jeu super commun. Là. Ça vaut genre 15$. Il y a ça partout. Je pense qu'on a genre 5 copies chez RetroMTL présentement. J'avais acheté ça là, au pawn shop là, parce que je voulais essayer des affaires. Et puis, c'est bien sympathique. Là. Sérieux, ça fait la job pour ce style de jeu-là. Si vous aimez ça, achetez ça. Il y a ça partout. Petite gorgée de café. That's it pour Meteos, c'est ma grande chose à dire. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus dans le jeu-là que ce que je suis en train de dire, là, par contre. Mais ça, on m'a pas déjà dit que Spielberg avait travaillé là-dessus. Tu sais, Spielberg a travaillé sur des jeux de Wii, là. Boom Blocks, là, ou je me rappelle plus si c'était ça. En tout cas, peut-être c'est plus big là, que je me l'imagine. Il y a plus d'historique. Mais ça n'a pas levé de temps. Mais c'est quand même le fun. Prochain jeu est vraiment bien plaisant aussi. C'est un jeu de pinball et c'est Metroid Prime Pinball. Très, très, très efficace comme jeu de pinball. Ça vient avec un Rumble Pack. Et puis, tu branches ça, il y a une slot sur la DS. Du moins, moi j'ai une DS Lite, je joue avec ça, fait qu'il y a une slot. Mais je pense que les DSi, ils ont plus la slot pour les jeux de Game Boy Advance. En tout cas, ça te prend cette slot-là, et puis ça a la forme d'une cartouche de Game Boy Advance, et puis ça sert de rumble. Donc, à chaque fois que ta balle va quelque part, ou ta frappe, ou tu fais quelque chose d'important, ta console DS, elle vibre un peu. Juste un petit vibrement, genre... Il est juste bien le vibrant. La vibrance est plaisante, là, tiens. Et puis, c'est ça. C'est un excellent jeu de pinball, ça, Metroid Prime Pinball. Là, je recommande à tous, si vous aimez, bien sûr, le style. Ça vaut quand même 60$, là, maintenant. C'est pas du caca, mes amis. Alors, très cool à avoir dans ta série. J'avais aussi Metroid Prime Hunter sur DS, mais je me rappelle l'avoir vendu parce que c'est... comme Metroid Prime, puis moi, les first-person shooters, j'ai bien de la misère avec ça. Prochain jeu a été longtemps considéré comme un grand hidden gem sur la série, mais tu sais, comme tout le monde a tellement fait... dans la librairie, excusez. Mais tout le monde a tellement fait de vidéos YouTube sur les hidden gems de la DS qu'il n'est plus hidden pantoute. Il s'agit de Monster Tale, un excellent Metroidvania dans lequel tu ramasses des monstres et puis des followers, là, comme ça. Ta petite fille, elle a comme un foulard, je pense, et puis elle fait des combos d'attaques de foulard qui sont vraiment badass et très plaisants. Et puis tes petits monstres qui te suivent, tu les fais grossir et puis ils interviennent dans l'écran. Et puis, je me rappelle plus comment t'es fait leveler up, là. J'ai joué à ça, comme la dernière fois, ça fait super longtemps, là. Tu sais, j'ai joué dans ce jeu-là de A à Z. J'ai complètement adoré ça. Et puis, c'est ça, c'est du back and forth. C'est vraiment un Metroidvania, mais avec des familiars, comme on dit, dans le milieu. Et puis, tu les fais grossir, puis tu les gères, là. Et puis, ils t'aident, ils attaquent. Et puis, le jeu aussi utilise très bien les deux écrans de la DS. En bas, vous voyez, il y a des options là, que de gestion là, finalement. Fait que c'est très léger, c'est super beau. Le pixel art est magnifique. C'est vraiment un must ça pour n'importe quelle collection DS ou pour jouer en général. Ça vaut 80-90$. Moi, je recommande ça à tout le monde. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Prochain jeu, je ne l'ai pas encore essayé, Mr. Driller Drill Spirits, qui a l'air d'être un Mr. Driller classique. Que moi, j'aime beaucoup ça, Mr. Driller, à l'arcade, au Dreamcast. C'est comme bien comme de base, j'aime ça, c'est sympathique. Ceux qui ne connaissent pas la série, c'est ton petit bonhomme, il drille vers le bas à travers des blocs de couleurs. Et puis, quand mettons, tu drilles un bloc rose, ben tous les blocs roses qui se touchent vont disparaître. T'sais. Puis, en drillant vers le bas, vu que tu t'enfonces vers le milieu de la terre, tu manques d'air. Fait qu'il faut que tu attrapes des pilules d'air en descendant. Puis, il ne faut pas que ça s'écroule sur ta tête non plus. Donc, un concept très simple, très efficace, très agréable, très léger. Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce jeu-là. Travel the world, search for your fellow drillers. Fait que tu débloques des personnages, dans le fond. C'est Namco, hein? Alors, t'as le bonhomme de Dig Dug, et puis t'as toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai appris en jouant à des jeux vidéo que Mr. Driller, il serait genre le fils de Dig Dug ou quelque chose de même. Il y a un nom, là, Dig Dug, en passant. Moi, j'oublie toujours. Mais en tout cas, Mr. Driller, j'ai parlé d'un jeu de Dig Dug, justement, dans mon autre épisode. Alors, rendu au niveau de la DS, on dirait que Namco, ils ont tous réuni ça, là, ces franchises-là, puis je trouve ça magnifique. Alors, je vais l'essayer à un moment donné. Je le voulais dans ma collection, bien sûr, pour ce que c'est. Quand même pas cher, une vingtaine de piastres, puis on en a un chez Retro MTL si on l'a pas vendu dans le boxing, dans le Black Friday. D'après moi, ça doit valoir la peine. Prochain jeu est un jeu assez spécial, ça s'appelle N+. Et puis, vous avez sûrement déjà vu ça, là, ce genre de bonhomme-là. Là. C'est pas un jeu exclusif à la DS. Je pense que c'était sorti ça dans le temps sur le Xbox Arcade ou quelque chose de même. T'sais. Puis la version DS est juste une version de plus. Donc, t'es un petit bonhomme comme ça, là, très petit, qui est un ninja finalement. Puis il bounce sur les murs. Donc, il bounce partout et puis il faut que tu collectes des trucs. Il faut que tu ramasses des affaires le plus rapidement possible. Me semble. Donc, c'est un gameplay intéressant. C'est pour ça que je voulais l'avoir et l'essayer. Je le voulais dans ma collection. Je voulais l'essayer. Je l'ai essayé. J'ai joué. J'ai fait plusieurs niveaux. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux quand même. Puis, bon, j'ai fini par me tanner. Mais c'est intéressant. Puis, genre, ça vaut 5$. 5-10$. Donc, si vous ne connaissez pas cette série-là, ça peut être une bonne entrée. Moi, je ne la connaissais pas, puis je n'irai pas explorer tant que ça les autres, là, mais je savais que ça existait, j'avais déjà vu ça. Donc, pas pire, là. Checkez ça, checkez du gameplay, là, si ça vous intéresse. Prochain jeu, que je l'ai-tu essayé, celui-là? J'ai pas essayé, ça c'est le premier, moi j'avais essayé le 2, je vais vous le montrer après. Il s'agit du Shmup Nano Stray. Et puis, il y a trois jeux de Nano Stray. Hein? Ça, c'est le premier au DS. Il y a Nano Stray 2 au DS. Et puis, il y a Nano Stray... Ça doit peut-être changer un petit peu de nom. Au 3DS aussi, il y en a un. Donc, c'est un shmup, ça, vu de dessus un peu, qui va vers le haut. Et puis, des fois, vu de plus de derrière, là, finalement. Et puis, avec des power-ups corrects. Tu sais, c'est qui a développé ça, man? C'est publié par Majesco, mais c'est des... C'est développé par Shinen. Donc, je peux pas vous dire grand-chose sur le premier parce que j'y ai pas beaucoup joué. Mais comme je l'ai vu passer, fait que c'est sûr que je l'ai ajouté dans ma collection. Ça vaut 35$. Moi, j'ai plus joué au deuxième ici. Encore une fois, ça fait longtemps, là, par exemple. Et puis, je me rappelle plus exactement c'est quoi qui est si spécial que ça dans le jeu-là. Celui-ci, par exemple, à ce que je vois en arrière, il y a des vues de côté et des vues top-down. Donc, moins à angle quand t'es dans l'arrière. Quand t'es pas... Là, t'es complètement au-dessus du vaisseau quand c'est top-down ou complètement de côté, tu sais, vraiment classique. L'autre, t'es plus à angle, un peu vue d'arrière. Donc, bref, j'imagine que ces angles classiques-là m'ont sûrement plus plaît. Le Nano Stray 2, comme ça, il vaut 60$. Donc, c'est les seuls shmup que j'ai sur la console. Là, et puis, pas vraiment une console de shmup, la DS, hein, on va se le dire. Mais si vous en voulez, ben les Nano Stray sont là. Prochain jeu, New Zealand Story Revolution. Donc, peut-être vous connaissez au NES Kiwi Craze. En fait, Kiwi Craze est une reprise d'un jeu d'arcade qui s'appelle New Zealand Story. New Zealand Story est l'histoire... Je sais pas s'il y a une histoire. C'était un kiwi. Donc, il y a des l'animal, là, l'oiseau. Il y a des kiwis en Australie, Nouvelle-Zélande. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle New Zealand Story, vu que c'est un kiwi. Et puis, les petits bonhommes, ils ont des boomerangs. Et puis, il y a des araignées, là, comme vous pouvez voir. Des gros monstres. Donc, tout ça est très australien. Et puis, c'est un platformer, carrément. Et puis, ton petit kiwi, il lance des flèches. Et puis, il pogne des affaires pour s'envoler, tout. C'est vraiment comme un classique platformer à l'arcade. La version NES essaie de reprendre la version arcade le plus possible. Et le fait bien. C'est un jeu que je n'ai jamais pris le temps de terminer, par contre. Je sais pas pourquoi. Ça me tentait pas de pousser davantage. J'y reviendrai peut-être à un moment donné. Puis la version DS ici présente, j'ai pas assez joué pour vous dire qu'est-ce qu'elle fait de plus ou de moins que les deux autres versions que je connais. Mais au look, c'est vraiment comme la version arcade. Donc ça a l'air d'être vraiment comme un port de la version arcade. Mais j'imagine, vu que c'est au DS, il doit te faire gosser avec les deux écrans ou avec le stylet un petit peu plus. Donc, platformer intéressant, ça vaut environ 25$. Donc, c'est cute. Ça vaut la peine dans une collection, je pense. Une gorgée de café. Qui est rendu très froid, ma parole. Prochain jeu, Ninja Gaiden Dragon Sword. Ça, c'est sorti quand même assez au début de la DS, je pense. C'est dans le temps, ceux qui ont la Xbox OG, première génération, qui avaient refait un Ninja Gaiden 3D, là, un Ninja Gaiden moderne. Et puis, ils ont fait une version DS avec le Ryu Hayabusa qui a de l'air sur la pochette, pareil que sur les grosses machines. Et puis, moi, j'ai acheté ça. Je me rappelle plus où c'est que j'ai pogné ça. Puis, c'est super bon, ce jeu-là. Tu tiens ta DS comme un livre, en fait, c'est ça qui est très drôle, et puis tu passes d'un écran à l'autre, je me rappelle pas quoi, puis les combos d'attaque se font avec ton stylet, et puis ça joue très bien, sérieux. C'est vraiment bon ce jeu-là, c'est à mon souvenir, ça fait vraiment longtemps que j'ai joué, là. J'ai terminé ce jeu-là, bien sûr, c'est un petit peu brun, tu sais, au niveau du look, c'est ça, c'est un petit peu brun. Noir, c'est pas. C'est Team Ninja hein, qui fait ça. Ouais, c'est ça. Donc, un jeu d'une grande qualité, un jeu très agréable à jouer, même si tu tiens ta DS. Mais moi, j'ai une DS Lite, fait que le tenir en livre dans une main et puis ton stylet dans l'autre main, tu sais, ça se fait quand même bien. J'imagine qu'avec une grosse DS XL ou je sais pas quoi, ça doit être un peu lourd, là. Mais non, c'est. Levez pas le nez là-dessus. Ça vaut 20$, genre, puis c'est super plaisant. Hack and slash, bien fait, c'est vraiment un jeu de qualité. Parlant de Ninja, le prochain pour moi a été une grande surprise. Il s'agit du Tower Defense qui s'appelle Ninja Town. Regardez ça comme c'est mignon. Donc, t'as des villes de ninja et puis il y a des petites bébites là, qui traversent les rues de ta ville. Et puis toi, tu c'est un tower defense, donc tu choisis des sortes de ninjas que tu vas parquer de part et d'autre de la rue, dans le fond des maisons, avec des ninjas qui vont sortir des maisons. Et puis les ninjas, ils ont des attaques précises. Ça fait longtemps, encore une fois. Tous les jeux que je vous parle, là, ça fait tout très longtemps que j'ai joué. Je me rappelle plus exactement, là, il y a des ninjas qui lancent des shurikens, il y en a d'autres qui sont plus forts, bref. C'est à toi de mettre des cabanes à ninja un peu partout dans ta ville que les monstres traversent. Et puis les monstres, faut pas qu'ils la traversent au complet. Donc, il faut que tu tues la horde au complet avant qu'ils se rendent jusqu'à la fin. Et puis, moi, j'aime pas les choses compliquées. Et puis, je redoutais un peu ce jeu-là. Je trouvais que ça avait de l'air compliqué. Ça ne l'est pas du tout, et c'est super cute, les petits ninjas, les petits bonhommes comme ça, avec des petits cellulaires, et puis la gestion. La gestion est simple, et puis c'est juste cute, c'est bien, tu sais, c'est léger, c'est agréable, c'est pick-up and play quand même. Puis ça se fait bien, je me rappelle avoir pas réussi quelques niveaux, puis ça me dérangeait pas de les refaire comme faut, tu sais, les Tower Defense, t'apprends à un moment donné les waves, ok, là, j'ai trop mis de telle sorte, passé d'autre sorte. Bref, pour moi, ce jeu-là, c'est une belle, belle découverte. Et puis, ça, c'est un vrai hidden gem, à mon avis. Ça vaut 15-20$ encore une fois, une vraie farce. Donc, si vous aimez le style Tower Defense, définitivement un jeu à avoir dans votre collection. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Prochain jeu, Okami Den. Moi, je suis genre le plus grand collectionneur de la série Okami, puis j'ai jamais joué à aucun fucking Okami de ma vie. Au PS2, en fait, j'avais commencé à jouer à Okami, puis c'était bien beau, c'était bien le fun, mais je me suis tanné. Fait que j'ai vendu ça. Par contre, je l'ai sur Wii, parce que, bon, ça prend ça sur Wii dans ta collection, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur Wii, alors... Mais je pense que Okami Den est quand même différent des autres. Et puis, c'est un jeu qui a une valeur intéressante, ça vaut environ 50$. J'ai jamais joué de ma vie, et... tu sais, c'était pas le fun au PS2 de faire des dessins dans l'écran, parce que c'est vraiment un jeu qui te demande de faire des dessins. Alors, j'imagine que Capcom, quand ils ont vu que la DS existait, ils sont comme « Ah, man, ça va être... » Finalement, on va faire des dessins avec une console qui a un crayon, tu sais. Donc, j'imagine qu'Okami sur DS est tout indiqué, là. Sur Wii aussi, ça va bien se faire avec la Wii, les Wiimote. Puis au DS, avec le stylet, ça doit être parfait. Parce que c'est un jeu qui te demande de faire des vrais dessins dans l'écran. Donc, des signes, des symboles japonais, dans le fond, qui font des attaques, là. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Alors, j'ai ça. J'y jouerai un jour. J'imagine que sur DS, ça doit être parfait. Je suis pas sûr que c'est un port exact du jeu original, donc à découvrir, I guess. Ah ben ce jeu-là, par exemple, j'y ai joué il y a pas longtemps. C'est le dernier jeu que j'ai joué sur DS, justement, parce que je l'ai pris de chez Retro MTL, parce qu'il était sur ma wishlist pour tester. Il s'agit de Pac-Pix de Namco. Donc c'est un genre de jeu de Pac-Man, où est-ce que quand tu commences dans l'écran, il y a des fantômes qui se promènent. Puis ce qu'il faut que tu fasses, puis j'avais vraiment pas catché au début, il a fallu que j'aille lire les instructions, il faut que tu dessines un Pac-Man avec ton stylet. Tu sais, comme, même s'il est un peu croche, ça va marcher pareil. Tu peux en faire un gros, tu peux en faire un petit. Fait que c'est intéressant de voir le jeu réagir, genre, à ton Pac-Man que tu dessines. Mais, puis c'est ça. Puis là, ben, il va partir par en avant. Fait qu'après ça, tu traces des murs, genre, puis pour le diriger dans l'écran. Tu peux le faire aller dans l'écran du haut, ramasser des trucs, puis il va revenir. Ou quand il sort de l'écran, il faut que tu en dessines un autre. Tu peux pas en dessiner infiniment. Puis il faut que tu te dépêches à manger les fantômes. Donc, c'est comme un concept intéressant, mais c'est plate. c'est pas le fun. C'est lettre, c'est brun. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial dans ce jeu-là. T'sais, oui, c'est drôle de dessiner des bombes, puis que ça explose, puis du Pac-Man, mais tu sais, je me suis tanné très vite. Là. Pourquoi jouer à ça quand il existe tant de bons jeux vidéo? Là, t'sais? Donc là, il traîne dans ma collection, parce que je ne l'ai pas enlevé encore, là, mais c'est totalement un test, et puis j'ai pas aimé ça. Alors, ça prend de la place, je vais m'en débarrasser, et ça vaut 5$. Prochain jeu, j'ai complètement capoté là-dessus. Il s'agit de Plants vs. Zombies. Moi, j'ai découvert cette franchise-là sur le DS. Je pense même que dans le temps, j'avais acheté ça en DSiWare sur ma 3DS. C'est comme un des premiers jeux que j'ai acheté pour mettre sur ma 3DS. Et puis, écoute, ben, vous savez ce que c'est, là? C'est le jeu original, dans le fond, qu'il y avait sur PC. Man, c'est super bon. Sur DS, là, ça joue tellement bien avec le stylet, là. Moi, ma copie ici, elle a comme la sleeve, comme vous voyez, là. Donc ça c'est le jeu pas de sleeve. La pochette est très belle. Puis j'ai une belle sleeve comme ça, décorative. Là, regarde ça, c'est beau, toi. Alors, c'est ma version de Plants vs. Zombies. J'ai comme terminé le jeu-là. J'étais non-stop. J'ai dévoré ça. J'ai adoré jouer à ça. Que c'est agréable. Ça vaut rien, ça. Ça vaut 15-20$ aussi. Donc, si vous avez jamais joué à Plants vs. Zombies, la version DS est parfaite. Sérieux, ça joue super bien parce que tu vas vite avec ton stylet, là, tu sais. J'avais découvert la série avec ça, la franchise avec ça. Je me rappelle, j'avais acheté le 2, genre, sur PS3. Puis avec une manette, c'est tellement pas le fun, là, tu sais. Ça te prend une souris ou un pointeur pour être efficace à ce jeu-là. Fait que, ouais, j'adore ça. Prochain jeu, c'était supposé être un Hidden Gem, et puis un ami à moi l'a vu, et puis j'y ai fait acheter pour moi. Il s'agit de Power Rangers Super Legends, 15e anniversaire. Ça, c'est la version DS. J'ai vu qu'il y a une version PS2, donc il doit y avoir une version Xbox OG quelque part qui existe. La version DS est pas pareille que les autres versions, et puis c'est un beat'em up, carrément, qui est assez satisfaisant au niveau du combat. Mais très répétitif dans les niveaux. Il y a des petites sections shmup vraiment cheap, là, très répétitives, toujours pareilles, qui sont pas challengeante du tout. Et puis, visuellement, c'est très beau. Tu sais, le lore est respecté des Power Rangers. Tu sais, les combats, le beating up est très bien. Mais c'est comme plate et répétitif à longue, tu sais. C'est comme, c'est décevant pour vrai. Il aurait dû avoir plus dans ce jeu-là. Ça demeure un jeu, tu sais, un jeu correctement bon, tu sais. C'est correct. Je vais le garder dans ma collection, tu sais. Je n'ai fait la moitié, sinon peut-être plus, je sais pas. Mais là, je trouve ça long, tu sais. Passer tout le temps pareil, et puis il n'y a pas d'évolution, fait que... C'est un peu décevant. Je n'avais parlé à Rétro Nouveau. Donc, 15-20$ pour ce jeu-là aussi. Ça vaut la... T'sais, pour le prix, je dirais que ça vaut la peine, mais ça m'a laissé sur ma faim un peu. Le prochain jeu est définitivement un des plus fun de la librairie DS, tant qu'à moi. Je compte pas les RPG parce que je joue pas des RPG. Et aussi dans les jeux vidéo en général, t'sais, je veux dire, de tous les jeux existants, ce jeu-là doit bien être dans le top 20 des jeux qui sont inspirants, qui font vivre quelque chose. Il s'agit de Retro Game Challenge. Là, la pochette a de l'air de rien, même là, c'est juste écrit ça avec un petit vaisseau dans le bas, c'est très cheap. Au Japon, ça, c'est une série et ça a un autre nom, et puis c'est super big là-bas, et puis il y a comme tout un background de ça au Japon. Bien, nous autres en Amérique, on a juste eu ce jeu-là. Et puis, ce qui se passe là-dedans, là, c'est que tu vis toutes les générations de jeux vidéo, dans le fond. Donc, t'es deux petits gars qui sont à maison et puis qui jouent à des jeux vidéo. Puis que là, bon, leur première console, c'est genre un Atari. Fait que là, ils jouent à un genre de shmup, comme vous voyez là, à la Galaga. Et puis, that's it. Et puis là, ils sont abonnés au Nintendo Power, ben, sans que ça s'appelle comme ça. Puis là, en lisant dans le Nintendo Power, ils voient qu'il y a d'autres jeux qui s'en viennent. T'sais. Ouh, la prochaine génération 8-bit, ça va être incroyable. Il va y avoir ce jeu-là qui va sortir. Essayez ça. Fait que là, les petits jeunes, ils sont hype. Et puis là, ben, je me rappelle plus comment ça se fait, mais l'autre jeu arrive dans le salon. Fait que là, ouh, hey, on va jouer à ce jeu-là. All right. Puis là, c'est dur. T'sais. Puis il y a comme des franchises... Qui évolue dans le jeu aussi. Il y a un petit jeu de ninja, c'est Haggleman, me semble. Donc, il y a Haggleman 1 que tu joues au NES. Après ça, la Super NES sort. Et puis là, tu joues à Haggleman 2. Là, c'est comme... Il y a plus, tu sais. Puis après ça, tu as un autre Haggleman. Là, c'est comme Ninja Gaiden. C'est fourette, tu sais. Et puis, tu vas jouer à des shmups. Tu vas jouer à des platformers. Il y a même un RPG complet dans ce jeu-là. Là. Complet, là. Tu peux comme passer des heures à jouer au RPG qu'il y a dans ce jeu-là. C'est assez incroyable. Et puis des fois, t'es bloqué, t'es comme, c'est donc bien dur. Puis t'sais, quand, ou bien le RPG, tu sais, quand t'arrives au RPG, t'es, ah man, faut-tu que je me tape un RPG au complet avant de finir ce jeu-là ou de passer à la prochaine génération? Mais là, tu peux retourner dans les magazines pour feuilleter. Puis des fois, il y a des nouveaux articles à lire. Puis là, ils te montrent la section des trucs, des tips and tricks. Et puis, il t'explique que dans le RPG, tu peux t'en sortir puis finir le jeu avec un genre de cheat, tu sais, facile. Fait que là, tu fais ça, fait que tu peux finir le RPG puis passer à autre chose. Mais tu peux le faire pour vrai aussi si ça te tente. Donc, bref, ce jeu-là, c'est vivre les jeux vidéo, vivre les... C'est un retour dans le passé pour ceux qui ont grandi avec ça puis qui étaient excités de voir la prochaine génération de jeux vidéo puis de voir l'évolution des jeux vidéo et de lire des Nintendo Power pour trouver des trucs puis être hype de ce qui arrive. Donc, c'est un super beau package. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Je trouve ça absolument incroyable. Et puis, ça vaut 80-90$ environ. Ça vaut totalement la peine. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment, là. J'ai adoré ce jeu-là. Définitivement un must dans toutes les collections de jeux vidéo. Prochain jeu, Rhythm Heaven. Un jeu de rythme où est-ce que tu as comme des petites séquences, des petites épreuves à faire avec ton stylet, un peu à la WarioWare. Et puis le package est absolument magnifique, c'est cute, ça se fait bien avec le stylet. Et puis c'est une belle franchise, ça, de Nintendo, dans le fond, une franchise, il y a ce jeu-là. Il y a Rhythm Heaven Fever sur Wii, et puis je suis même pas sûr qu'il y a d'autres jeux là-dedans, peut-être au Japon, mais qui sont pas sortis ici. Et étrangement, ce jeu-là, celui-ci, sur DS, a comme explosé en valeur. Là. Je pense qu'il est rendu autour de 80-90. Ça se trouvait partout, sealed, genre, il y en avait ben trop de copies. C'était rien, là. C'était 15$, 20$ maximum. T'en trouvais des sealed, puis tout. Puis là, à cette heure, c'est rendu un jeu à 80$. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec ça. Mais le prix a skyrocket. Et puis, coudonc, tant mieux. C'est le fun. Je sais pas pourquoi. Mais si vous aimez les jeux de rythme, ça, c'est définitivement excellent. Et puis, la version Wii aussi, c'est très, très bon. Soul Bubbles, le prochain jeu, est un jeu de soufflage où est-ce que faut que tu t'envoies ta bulle d'un point A à un point B, je crois, avec un petit bonhomme qui souffle. C'est un jeu que je viens d'ajouter à ma collection. On dit de ça que c'est probablement un petit hidden gem aussi, donc pas si hidden que ça, anyway. Et puis, je vais l'essayer un moment donné. Là. C'est passé chez Retro MTL, alors je l'ai gardé. J'espère juste qu'on n'a pas besoin de souffler pour vrai dans la console DS. Parce qu'il y a des jeux qui, comme Zelda qui te font souffler dans la machine ou qui te font parler ou whatever. Tu sais, c'est cute, là, c'est drôle, mais t'as l'air un peu épais quand même. Là. Alors, mais non, j'ai l'impression que ça va être avec le stylet que ça se passe. Je ne l'ai pas essayé encore, ça vaut une vingtaine de dollars. Peut-être un bon Hidden Gem. Je suis pas sûr. Les deux prochains jeux sont très cool. Il s'agit de Space Invaders Extreme et Space Invaders Extreme 2. Donc, de Taito. On reprend la série des Space Invaders, dans le fond, mais on y ajoute plein de tweaks, là, puis plein de façons de jouer à Space Invaders. Vraiment le fun. Ça explore, là, vraiment. Ça essaye des choses, ça. Et puis, c'est super sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas s'il y en a là, parmi vous qui ont joué à Space Invaders Infinity Gene. C'était un très beau Space Invaders, ça, dans le temps de la PS3. Ça a jamais sorti physique, ça devrait, j'aimerais ça acheter ça. Et puis, c'était très vecteur, là, par exemple. Là. Mais ça, ici, c'est plus bonbon, là, des explosions de couleurs et tout. Donc, très bien fait, très divertissant, très le fun. Ils prennent la série, puis ils s'amusent avec ça. Donc, ça, c'est le 1, ça vaut environ 25$, et puis ça, c'est le 2. Et puis, ça vaut à peu près la même affaire. Donc, c'est more of the same, il me semble. Ils doivent explorer plus là-dedans encore. Donc, très cool truc à avoir dans votre collection. C'est du bonbon, là. Ça peut vous faire passer un bon moment. Moi, j'aime ça, avoir ça. Prochain jeu. Très, très bon platformer. Il s'agit de Super Princess Peach. Parce que Peach a eu son jeu. Mario s'est fait capturer et tu dois aller le sauver. Donc là, le cliché de ce jeu-là, et j'en ai parlé à Retro Nouveau, c'est que Peach, vu que c'est une fille, elle a des émotions. Donc là, tu joues avec les émotions de Peach pour y faire différentes choses. Comme là, comme vous voyez ici l'écran, donc ça, c'est ses émotions. Donc avec ton stylet, tu cliques sur l'icône de l'émotion de la joie, genre. Fait que là, elle vole dans les airs. Après ça, où tu peux cliquer sur la colère, puis là, elle est comme fâchée, puis là, elle pile fort, fait que ça tue les ennemis sur le sol. Un qui pleure, fait que là, ça fait de l'eau, elle peut éteindre des feux. L'autre qui rit, je me rappelle pas ce que ça fait, là, tu spins dans les airs ou une espèce d'affaire. Donc, c'est très, comment dire, sexiste envers les femmes, de genre, tu sais, quand. Il aurait fallu qu'il y ait un jeu de masculin de ça aussi pour contrebalancer, là, je sais pas, là, tu sais. Je veux dire, la mécanique est efficace, ça marche, c'est super le fun, c'est un excellent platformer, c'est complet, il y a plein de choses à faire. C'est comme un jeu de Mario, sauf que c'est Peach, et sauf que, ben, c'est ses émotions qui la trigger et qui font que tu peux lui. C'est ça, tu sais. Ça fait juste dire, bon, c'est ça, les femmes ont des émotions, on va jouer avec ça. Donc, le concept est sexiste. Mais le gameplay, il est excellent. Alors, c'est ça que j'ai à dire à propos de ce jeu-là. C'est super le fun. C'est quand même pas trop rare. Et puis, c'est un jeu qui a une bonne valeur quand même. On parle de 40$ environ. Donc, très bon jeu. Très bon jeu de Nintendo, Super Princess Peach. Si vous êtes capable de passer par-dessus le fait que c'est sexiste, vous allez avoir du plaisir. Le prochain jeu est quand même une surprise. Il s'agit de Thor, God of Thunder, le jeu du film. Bon, là, les jeux de film, c'est pas mal tout le temps mauvais, mais celui-ci et les autres aussi, c'est sorti ça sur Wii, sur les consoles, les grosses consoles de dans le temps. Mais la version DS est tout seul, est unique à sa façon, et c'est développé par WayForward, et nous, WayForward, on aime ça. Ils sont hot. Donc, ils ont fait de ce jeu-là un excellent beat'em up, un peu comme les Power Rangers le sont, mais celui-là, il est meilleur. Là, t'sais. Ça suit, j'imagine, le film. J'ai pas vu ce film-là. Mais tout est là-dedans. Tu bâtis, tu gagnes des power-ups, tu gagnes du pouvoir de tonnerre que tu utilises. Il y a des gros boss qui font les deux écrans, comme vous voyez. Un peu répétitif, bien sûr, mais au moins, il y a un genre d'évolution. Et puis, le jeu, il te garde quand même accroché. C'est ça, tu penses que c'est mauvais parce que c'est un jeu de film, mais ça, ODS, Thor, est un jeu de film qui vaut vraiment la peine. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, ça coûte 20$, 15-20$. Coudonc, ça coûte tout 15-20$, les jeux de DS, quoi. Non, j'en ai d'autres là, qui s'en viennent, qui ont d'autres prix. Donc, c'est ça. Celui-là vaut vraiment la peine, pour vrai, les amis. Très, très bon petit beat'em up. Très bien fait, de WayForward. Donc, félicitations. Publié par Sega. WayForward, Sega. Pas le temps de niaiser. Prochain jeu, je l'ai ramassé aussi dans un lot de DS qui est venu chez RetroMTL. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est un jeu développé et publié... publié par Atlus, développé par Success. Ouais. Il s'agit de Tokyo Beatdown. C'est un beat'em up, ça aussi, mais un vrai beat'em up du monde dans la rue qui se tape sur la gueule. Donc, c'est ça, ce que j'ai pas joué à ce jeu-là, mais j'ai décidé de le garder pour le tester parce que ça a l'air un peu foufou au niveau des scénarios. Tu sais, c'est très japonais, là, les personnages, puis il y a de l'air d'avoir du cheesiness là-dedans au coton. Donc, on voit ici en arrière, c'est écrit « beat'em up ». Avec trois personnages différents. Shoot 'em up avec des guns et des rocket launchers. Et puis, tu sais, il y a bien du scénario là-dedans, bien des textes. Donc, ça a l'air un peu niaiseux. Beat 'em up, niaiseux. Et puis, au look, c'est pas... Il essaye de faire ça réel, tu sais. C'est pas genre du pixel, des petits bonhommes en pixel, tu sais. C'est comme des vrais personnages. Donc, ça fait penser... Ça fait très next-gen, là. Au niveau du look, mais je ne sais pas comment ça se joue, j'ai aucune idée de ce que ça donne, mais je pense que ça vaut la peine. Puis d'ailleurs, ce jeu-là, il vaut 65-70$ à peu près, donc probablement que c'est bon, là. Va falloir que je me mette à ça bientôt. Ma copie n'est pas en très bon état, malheureusement, mais ben, c'est pas grave. Ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut que tu surveilles, tu sais, quand tu game chase, là. Ça a peut-être l'air de rien, mais quand tu vois le logo d'Atlus sur le cover d'un, tu dois toujours te... Ça doit te sonner une cloche. Et puis, s'il y a du monde qui vend ce jeu-là de DS à 5$, d'après moi, c'est un no-brainer. Je suis pas mal sûr que c'est bon. Vous irez voir du gameplay. Moi, je suis allé voir du gameplay, puis ça m'a convaincu de le garder puis de l'essayer à un moment donné. Terminer mon très froid café. Prochain jeu est un jeu, ma foi, que je ne connaissais pas du tout, puis j'ai vu passer sur un groupe Facebook que la personne vendait comme 3-4 jeux, puis tous des jeux qui valaient quand même cher. Donc ça m'a sonné une cloche. Il s'agit de Wild West. J'en ai parlé à Retro Nouveau aussi. La pochette, c'est vraiment pas fameux, hein? C'est comme genre de... Ben, c'est correct, là. Mais, tu sais, c'est un peu Keten, là, de Far West. Tu es un alligator. C'est-tu un alligator? Non. Attends, non. Toi, t'es un loup. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est un jeu de gun, de tir, 2D. Et puis, des fois, 3D, dans le sens que vu de arrière. Donc, t'as plusieurs types de gameplay de gun, finalement. Donc, c'est un shooter, là, si je peux dire. Mais jamais à la first person, il me semble. Et puis, c'est un jeu qui vaut quand même 40$. J'en avais parlé à Retro Nouveau, donc tu peux jouer le personnage loup masculin ou il y a un personnage féminin aussi. J'ai fini le jeu avec chacun des deux personnages et ça fait pas vraiment de différence. Ben c'est ça, là, c'est très classique western, donc t'as des niveaux et puis t'as des bounties, là, faut que tu battes les boss, là, puis that's it. Fait que tu fais tous les niveaux un à l'autre. Mais c'est ça ce qu'il y a d'intéressant. Ah oui, c'est ça, t'as des niveaux vus un peu de... Comment dire, qui sont sur rail, tu sais, où est-ce que tu explores. Mettons, j'ai un niveau en tête que c'est un bateau. Donc, il y a du monde qui pop dans l'écran, tu les tires toutes, puis après ça, ben, ils font avancer ton personnage. Ah non, t'as du first person aussi, shooting. Bref, t'as du shooting à plusieurs niveaux. Et puis, il y a des niveaux de boss où est-ce que, mettons, le boss, justement, c'est un gros bateau, une grosse affaire avec des canons. Fait qu'il faut que tu tires chaque partie, tu sais, de cette grosse affaire-là avec ton stylet. Donc, ça se joue très bien avec le stylet et le gamepad. Et puis, sérieux, non, c'était... Le gameplay, là, tu sais, il est fun. C'est un peu répétitif, mais pas tant que ça non plus, tu sais, vu qu'il varie le gameplay de shooting. Donc, c'est ça. Excusez, je sonne un peu brouillon, là. J'essaye de me souvenir, parce que ça aussi, ça fait quand même longtemps que j'ai joué, hein. Mais je me souviens d'avoir apprécié l'expérience, et puis, pour que je le finisse deux fois, hein. J'aimais ça, puis pour 40$, ça vaut la peine. Donc, ça, c'est peut-être vraiment plus dans la catégorie des Hidden Gems, parce que me semble qu'on n'en entend pas parler, puis je le vois jamais. Il est jamais passé chez RetroMTL. Donc, intéressant. Gardez un œil là-dessus. Prochain et avant-dernier jeu pour aujourd'hui et pour clore le tout, s'agit de Wire Way, publié par Konami, développé par Konami aussi sûrement. Donc un genre de petit bonhomme, là, à regarder ça le cover, c'est super sympathique. Là, tu sais, tu dis, ah, nouvelle franchise, qu'est-ce que c'est ça? Donc, tu as un petit bonhomme noir et puis faut, avec ton stylet, que tu traces des lignes, puis tu fais des genres d'élastiques pour le garrocher un peu partout dans l'écran. Ça, c'est un jeu qui est très commun, tu sais. Puis la première fois que j'ai vu ça, moi, j'étais comme, wow, que c'est ça, tu sais, Hidden Gem, Konami, tu regardes en arrière, ça a l'air très bon, puis tout. Mais non, c'est un jeu qui vaut 10$, puis qui est très commun au final. La première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était rare, puis finalement, j'en ai vu plein depuis ce temps-là, tu sais. Donc, c'est pas rare du tout, ça vaut pas cher. Puis, me semble que je l'avais essayé un peu, puis il y avait bien du dialogue pour rien. Moi, je voulais de l'action. Et puis, il y en avait un peu, mais j'ai pas accroché, donc j'ai pas joué beaucoup, puis je peux pas tant vous en parler plus. C'est un jeu que j'ai décidé de garder quand même, que je me dis que j'ai pas essayé, j'y ai pas donné sa chance vraiment. Donc, je le garde, j'y reviendrai. Puis, bon, là, le cover, il est beau, là, tu sais, c'est un beau package. Il me semble que c'est pas plate, mais pas si tant le fun. Donc, je vais y revenir, mais tu sais, pour 10$, je vous conseillerais de l'essayer aussi, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Dernier jeu, Zookeeper, un action puzzle game, comme ils disent. Donc ça, c'est vraiment un Jewel Crush, là, un Candy Crush, là, carrément, sauf avec des têtes de personnages de zoo. Donc vous voyez ici la pochette, c'est quand même très sympathique, là. Et puis t'as le directeur du zoo là, qui te donne de la merde. Hey là, grouille-toi le cul, là, ces animaux-là sont hors de contrôle. Fait que là, dans le fond, faut que tu matches les têtes d'animaux pour faire des séquences et puis ça explose. Donc c'est carrément un Candy Crush, là, tu sais. Il y a deux, trois styles de gameplay là-dedans, me semble. Un qu'il faut que tu ailles vite, l'autre c'est classique, je me rappelle pas trop. Moi, on m'avait comme pointé ce jeu-là comme un Hidden Gem, et je dirais que c'est un Hidden Gem, pour vrai, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. C'est super le fun, c'est un excellent et efficace Candy Crush, très joli, moi, je trouve, là, j'aime ça, moi, les petits personnages, ils sont comme comiques, carrés, ronds carrés, là, tu sais, c'est cute, cute, cute. Et puis, le seul défaut de ce jeu-là, c'est très dommage. L'ADS, moi, ce que j'aime beaucoup de l'ADS, là, c'est que tu peux être en train de jouer à n'importe quel jeu. Tu le mets sur pause, tu fermes l'ADS et ça se met sur sleep. Et ma DS Lite, je sais pas si toutes les DS sont comme ça, je pense pas, mais la Lite, elle peut rester sur sleep pendant très longtemps. Donc, l'énergie, elle se conserve, tu sais. Mais Zookeeper est un des seuls jeux que, quand tu fermes ta DS, le jeu ne se met pas sur sleep. Il reste allumé sur pause. Tu comprends? Fait que la lumière continue, puis c'est juste le jeu qui est sur pause. Comme si la DS n'était pas fermée, dans le fond. C'est très, très, très dommage, parce que ça, c'est justement un genre de jeu que tu voudrais juste comme ouvrir ta DS, jouer un peu, refermer ta DS, mettre ça dans ton tiroir, tu sais. C'est ça le fun de ce jeu-là. Mais malheureusement, ils ont oublié de programmer ça dedans. Donc, très dommage pour ça, là, vraiment. Moi, ça me tue, là. Je trouve ça vraiment dommage, là. Maudit qu'ils ont raté quelque chose. Mais bon, ça enlève rien au jeu. Le jeu est très bon. C'est très commun. Ça vaut 10$, là. Il y en a partout. On en a deux chez RetroMTL. Deux, trois. J'arrête pas de le conseiller à tout le monde. Puis tout le monde, ils sont comme... Ben, tout le monde aime ça, Candy Crush. Fait qu'achetez-le, ce jeu-là. Voyons donc. Si t'aimes ça, Candy Crush. Donc, ça conclut ma collection DS. On a déjà terminé. Combien vaut ma collection DS? Oh, on va voir un peu de statistiques. Je me rappelle même plus, je l'avais dit dans le premier épisode par rapport à ma collection. Donc, je possède 3,47% de la collection DS, c'est-à-dire 60 jeux sur 1729. C'est épouvantable. Si vous faites un full set DS, chapeau. Vous êtes courageux. Moi, je ne ferais jamais ça. Donc, ma collection DS de 60 jeux vaut 2500. Donc, c'est un bon montant pour pas beaucoup de jeux. Mais je vais sortir des jeux de là, dont Pac-Pix, là, comme tantôt j'en parlais. Peut-être d'autres, là. Peut-être faire un peu de ménage encore. Ma collection DS, moi, je cherche pas à avoir nécessairement les jeux qui valent cher. Tu sais, je veux juste des bons jeux que je vais aimer jouer, peu importe le prix. C'est tout. Donc, j'en ai des chers, j'en ai des moins chers. Moi, ma collection DS, je la trouve belle comme ça. Il n'y a plus grand-chose là, que j'ai dans mes recherchés. Bubble Double Shot. Un jeu de Bubble. Fast Food Panic. Faudrait que j'essaye ça. De Gianna Sisters. C'est le même jeu, dans le fond. Kirby's Quick Squad. Ça a l'air bien. Konami Classics Arcade Hits. Donc, une compilation de jeux classiques d'arcade de Konami qui a l'air assez de la merde, mais je le vois jamais, ça. Puis, c'est le plus cher de mes Wanted. Ah non, c'est le deuxième plus cher. Donc, à 33$, ça, c'est pour un lot, ça. Ouais, 40 CIB. Donc, je recherche ça, si jamais vous voyez ça. Faites-moi signe. Mechanic Master 2, bon, je l'ai mis dans mes Wanted. On verra. Squishy Tank. Ouais, ça a l'air un peu weird. J'ai une couple de jeux un peu weird de même qui risquent d'être pas bons, mais on verra. Tu sais, je vais les essayer. Tu sais, ça vaut 3$. Star Wars Revenge of the Sith. Ce jeu-là de Ubisoft, je pense que c'est encore une fois une version DS d'un jeu qui doit être sorti sur toutes les autres plateformes à l'époque et dont la version DS doit être assez unique et qui doit être pas mal le fun, qui doit être un genre de beat'em up, encore une fois, très cool. Donc, je fonde beaucoup d'espoir là-dedans. Je pense que ça doit être bon. Trion Cube, je sais pas ce que c'est, genre de puzzle. Underwater Attack et Veggie World sont les versions DS de Ocean Commander et Veggie World, qui est aussi sur Wii. Donc, des jeux... Des shmups assez somnolents, très répétitifs, très faciles sur Wii. Mais Veggie World sur Wii est un des jeux qui est rendu au top, qui vaut super cher. Le jeu, il a monté. Moi, je l'ai dans ma collection. C'est même pas le fun. Je veux dire, oui, c'est correct. C'est correct le fun, mais c'est super répétitif. T'sais. Veggie World sur Wii est rendu un jeu à 130$. Oh my God, sur DS... CIB, 440$ que ça vaut. Voyons ça, ouais. Oui, dans mon application, ils le mettent à 485. Donc, presque 500$ pour Veggie World. Assez incroyable. Donc, un shmup de légumes, même pas le fun, mais correct. Puis c'est drôle parce que l'autre version de ce jeu-là, c'est exactement pareil, sauf que t'es juste un sous-marin en dessous de l'eau, mais c'est les mêmes power-ups, le même système, c'est juste qu'au lieu que ce soit des légumes, c'est en dessous de l'eau. Ça vaut 10$, 15$, ça vaut sweet fuck all. Mais les légumes, ils valent super cher. Donc c'est sur ma wish. Je veux dire, je vais jamais acheter ça 500$, là. Jamais. Là. Mais s'il passe chez RetroMTL, tu sais... puis que je peux l'avoir pas cher, bah, m'a le garder rien que pour la forme de la collection. Là, t'sais. Fait que voilà. Donc ça couvre ma collection DS. La prochaine que je ferai, je sais pas c'est quoi. On m'a proposé Switch. Je pourrais peut-être faire ça, oui, quoique ma collection Switch ne fait que grandir tout le temps. Sinon, la collection Wii, pourquoi pas? Oui, je commence à être assez complet. Il n'y a plus grand chose que je recherche. C'est vraiment comme DS. Alors, je pourrais peut-être faire ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis comme essoufflé de parler depuis une heure comme ça. Alors, merci d'avoir été présent pendant tout ça. Et je suis fatigué. Il est 5 heures, là, j'ai faim. Là. Alors, c'est ça. Merci d'avoir été là. Et puis, suivez ma page Facebook et suivez la page Facebook de RetroMTL pour tous les développements de ma vie. Je suis 100% là-dedans. Et puis, on se revoit très bientôt. À bientôt.